Bon, oui, ben femme la won quoi, femme bi dafa waroon accouché nak, xam nga ñu ngi si benn maternité quoi. Femme bi ay seex la am nag, xam nga. Léegi benn doom bi bu mu génnee nag, doom ji jooyul. Mais sage femme bi dafa soxor quoi, sage femme bi téye doom bi, xam nga, téye liir bi, dóor ko, dóor ci taati quoi, dompat ko pour mu jooy rek liir bi jooy, xam nga. Léegi mu des beneen liir bi. Sage femme bi taxaw ba sonn liir bi génn. Léegi mu ne infirmier su dee génn rek wax leen ma ko ma ñëw. Naka la docteur naka la sage femme bi génnee rek liir beneen liir bi génnee bopp bi ne ko ne nii infirmière infirmière ne ko kaay ana sage femme bi door génn naa mu ne ko waaw génn mu ne ko waa kaay jàppale ma mu génn su ma paree ma jooy